بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبمشيئة الله تعالى سوف نشرع وندخل في هذا الكتاب المبارك الذي هو نبذة عن العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc par la volonté d'Allah Azza wa Jal, on va rentrer dans l'étude de ce livre qui n'est autre qu'un résumé de la croyance authentique. La croyance des adeptes de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Na'am. Kitab alladhi yusamma bi lum'ati al-i'tiqad. Kitab qui s'appelle lum'atu al-i'tiqad. Lum'atu al-i'tiqad. Na'am. Wa yu'tabaru هذا الكتاب من مفاتيح علم العقيدة. Ce livre là c'est une sorte de يعني de clé pour accéder à la science de العقيدة. والعقيدة كما يعرف كثير منكم مبناها على حديث العقيدة كلها الغبوس على حديث الذي هو ماذا أي حديث الذي يعطينا الجواب فله رسالة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام وما هو الحديث هات الشاهد إذا أحببت عن عمر رضي الله عنه أيضا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليوم استلى علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يغلف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أرجعني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال صدق قال فأعبرني عن الإيمان قال طيب من هنا تقدر شاهد من من من الحديث من هذه الكلمة lorsque Jibril il demande au prophète عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان informe-moi au sujet de l'Iman, la croyance. وما هو الإيمان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تؤمن بالله وملائكته نعم يعني que tu crois en Allah ainsi qu'en ses anges وكتبه نعم المنزلة ses livres les livres célestes qu'il a fait descendre منها Parmi les livres célestes, Al-Qur'an, التوراة و الإنجيل و الزبور و لفيد إبراهيم صحف إبراهيم. نعم أحسنت. طيب وكتبه ورسله. نعم واليوم الآخر يعني كذلك لا croyance au messager et au jour du jugement dernier. هذا خمس بقية. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Et que tu crois au décret d'Allah عز وجل qu'il soit bon ou mauvais. Ces six choses là là qui ont été évoquées dans le hadith de Jibril. العلماء يقولون أنها أصول الإيمان. Les savants ils disent que ces six choses font partie des piliers de la foi. نعم. فلهذا تجدون بعض الكتب أصول الإيمان. أصول الإيمان مثل كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أصول الإيمان. فموضوعه هذه الست. Le sujet de ce livre, c'est ces six choses évoquées dans le hadith. نعم. فكتاب لمعة الاعتقاد يعتبر من مفاتيح العلوم وكذلك من القواعد. من قواعد تفضل من قواعد علم العقيدة. نعم. والقواعد هناك مسألة. بعض العلماء يقولون أن القواعد كل ما كان والأصول كل ما كان في شأن التوحيد والعقيدة والفروع كل ما كان من شأن الفقه. يعني certains savants ils disent que les bases de la religion sont tout ce qui concerne la croyance, tawhid ou l'aqida. Et les branches de la religion sont tout ce qui concerne la jurisprudence, le fiqh. Anta ma'ana ya Abdurrahman? Fa hada sahih ou la la? Hada ghayr sahih? C'est pas sahih, hein? ليش؟ كما كما هو في الحديث المذكور بين الإسلام على الخمس شهادة لا إله إلا الله وهذا من شأن العقيدة. نعم. وأن محمد رسول الله كذلك. نعم. وبقية الأمور والباقية الأمور في الفقه. أي نعم متعلقة بالفقه. Donc ce le fait de ce partage, le fait de dire que les bases de la religion concernent la aqida et le tawhid, et que le reste, les branches, ça c'est pour le fiqh, ça c'est un taqsim, c'est un partage qui est faux, erroné. Et la preuve en cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes l'islam est construit sur cinq choses. Et il a cité les cinq piliers de l'islam. Dans les cinq piliers de l'islam, t'en as un qui comprend la aqida, c'est ashhadu an la shahada an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, ça c'est pour la aqida. Mais les quatre autres piliers, ils sont tous ils comprennent tous du fiqh, comme la salat, la zakat, le siyam de ramadan wa kadhalika hajj al-bayt. فعلم بذلك ان هذا التقسيم تقسيم باطل. Et est-ce que dans la religion il y a bel et bien des bases et des branches? Naam. Naam. Hal hunak dalil? Hat. Ana Jibril radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam الإيمان بدون سبعون شعبة وحلال شعبة الإيمان بدون سبعون شعبة الإيمان بدون سبعون شعبة نعم أي نعم. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم le prophète sallam dit que la foi est de 70 branches. La plus haute est la parole la ilaha illallah. Et la foi fait, la pudeur fait partie de la foi. Wa kadhalika qawluhu ta'ala alam tara kayfa daraba Allahu mathalan كلمة ماذا؟ طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها من كل حين. طيب الشاهد من الآية أصلها ثابت. الله سبحانه وتعالى il a donné en guise de parabole en guise d'exemple, équivalent à la bonne parole, c'est-à-dire la ilaha illallah, un arbre dont la base est solide. Les savants, ils ont pris ce verset pour yani dalilan ala anna hunaka usul wa hunaka furu' fi hadha ad-din. Na'am. Il y a bel et bien des bases dans cette religion et des branches. Donc si vous voyez une parole des savants qui disent qu'il n'y a pas en islam de base ou de partage entre les bases et les branches, en fait ça c'est une réfutation pour ceux qui disent que les bases c'est spécifique à Mada, à la Aqida, tamam, et que les branches c'est le fiqh. Mais sinon il y a bel et bien en islam des bases et des branches. تمام؟ نعم. على كل حال هذا الكتاب من أنفس ما كتب في باب العقيدة ومن فضائل هذا الكتاب أنه لا يأتي بكلام من عنده إنما يذكر الآيات ويذكر الأحاديث ويذكر كلام السلف وهذا هو الشأن وهذه هي الحجج القاطعة الواضحة التي بها يطمئن القلب. نعم. Donc parmi les mérites de ce livre, c'est que son auteur ne vient pas avec des paroles de lui-même. La plupart de ces chapitres sont remplis de versets et de hadiths, ainsi que de paroles de plus prédécesseurs. Et en vérité, c'est ça la véritable religion. Le fait que la personne, elle prenne sa religion, puis d'aller. قل هاتوا برهانكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين عفوا ها apportez vos preuves si toutefois vous êtes véridique. Ça c'est un أصل من أصول أهل السنة أنك تأخذ دينك بدليله ما تأخذ دينك بكلام الناس فكلام الناس ما تنفع. قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا إيش من دونه أولياء لا تتبعوا من دونه أولياء مهما كان إن كان عالما أو إن كان دون ذلك لا تتبعونه بل اتبعوا إيش الدليل والدليل ما هو الدليل سيكون الدليل كتاب السنة أحسنت يا رياض الكتاب السنة نعم قبل أن أنسى هذه معك مو معك متأكد خلاص يلا إذا كان معك بتعطي لي واحد من الإخوة الذين هم عندك. طيب من أجاب كذلك؟ هذه بعض الرسائل التي ألفها أحد المشايخ وطلب منا أن نوزعها بين الإخوة، فإن شاء الله سوف نوزعها بينكم، غير أنها ناقصة. Il n'y a pas beaucoup de nusra. C'est pour ça, si on pose des questions à celui qui répond juste, on lui donne. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Sauf yani ceux qui sont plus âgés que tout le monde, Inch'Allah, n'a'tihim bidoun ishkal. Hakada, mungkin tu'ti le... Afwa. Tayyib. فقبل أن ندخل في هذا الكتاب، وطبعا الكتاب هذا ما شرح كثيرا. Y a pas beaucoup de savants qui ont fait son شرح. Et parmi les meilleurs des شروحات شرح شيخ العثيمين. فنحن سنمشي عليه. سنمشي على شرح العثيمين. وسنذكر فوائد من عندنا. طيب. فشيخ العثيمين بدأ شرحه قبل أن يدخل في الكتاب، بدأ بذكر بعض القواعد المهمة في الأسماء والصفات. Donc شيخ العثيمين avant qu'il rentre dans l'explication du livre en lui-même, il a voulu évoquer certaines règles relatives aux noms et attributs d'Allah عز وجل. وهذه القواعد ستمر علينا بعد هذا الكتاب في قواعد المثلى. Et c'est les peu de règles qu'il va évoquer là, elles vont toutes, on va tous les voir, Inch'Allah, dans le livre qu'on va faire après ce livre-là. Le livre qu'on appelle قواعد المثلى. طيب. لكن le fait qu'il les ait évoqués ici, c'est très important parce que ça va nous aider même dans le livre. Des fois, si on veut pas faire long, par exemple, on va dire, et pour réfuter telle parole d'une quelconque secte, revenez à la règle numéro 3, mathalan. Tamam ? Parmi les règles qu'on va voir yani au début du livre. Tamam ? Al-Muhim, هذه القواعد التي سوف يذكرها كلها مهمة. Et celui qui a compris ces qawaïd-là, il a compris déjà une grande chose concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Qala al-Sheikh al-Uthaymeen, wa qabla al-dukhul fi simami al-kitab, uhibbu an uqaddim qawaïda hamma fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatih. Al-qa'idatu al-ula, في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. Donc la première des règles qui va évoquer, elle concerne quelle est l'obligation envers les textes qui nous viennent du Coran et de la Sunna au sujet des noms et des attributs. Quelle est l'obligation vis-à-vis des textes du kitab, du Coran et de la sunna au sujet des noms et des attributs. Qala al-wajib fi nusus al-kitab wa sunna ibqa dalalatiha ala zahiriha min ghayri at-taghyir li'anna Allah anzala al-Quran bi lisan arabiy mubin wa an-nabi alayhi as-salatu was-salam yatakallamu bi lisan aw bil lisan al-arabi فوجب إبقاء دلالة كلام الله عز وجل وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم. Donc ça c'est une règle très très importante. Très très importante. Celui qui a compris ça, il va éviter énormément d'erreurs dans la compréhension des noms et des attributs. En gros, il dit qu'il est obligatoire, lorsqu'on se trouve face au texte du Coran et de la Sunna, de laisser l'indication que ces textes dégagent dans leur sens apparent. Mafhoum? Taïb. Al-an, قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. الله سبحانه وتعالى dit il a deux mains ouvertes étendues. Tamam? Le wajib, ce qui est obligatoire lorsque tu as un texte du kitab et la sunna, c'est de laisser tout d'abord, s'il n'y a aucun autre indice, aucun autre ayah ou aucun autre hadith, c'est de prendre le texte dans son sens apparent. Tu ne vas pas faire comme certaines sectes qui disent « Ah, là, Allah, il n'a pas de main. Le but visé, c'est la miséricorde. » Hada batil. Tamam. Pourquoi ? Parce que le wajib fi nahwi an-nusus, sawan kan min al-kitab ou sunnah, ibqa dalalatiha ala zahiriha, le fait de les laisser dans le fait de laisser ce qu'indiquent ces textes dans leur sens apparent. Ça, c'est wajib. Sauf si toutefois, on a mada, on a un autre texte ou on a un autre hadith qui prouve autre chose que le sens apparent. C'est compris, ça? Taïb, celui qui n'a pas compris, il n'hésite pas, parce que ça, c'est des bugs. Il faut vraiment qu'on sorte avec un ferme d'après. Ça va? C'est-à-dire, c'est des versets qui ne prêtent pas l'interprétation. Tu les prends tels qu'ils sont. Voilà, tu les prends tels qu'ils sont. Sauf si tu nous as dit, sauf si il y a d'autres textes qui précisent ou qui montrent que le sens n'est pas à prendre de... dans son sens apparent. Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa yani comme جاء في الحديث wa huwa ma'akum. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec vous. Tamam. Là, est-ce qu'on le prend du sens apparent comme quoi Allah il est avec nous fi makan? Là, on le prend pas du sens apparent. Tamam. Pourquoi? Parce que on a ka qawluhu ta'ala والرحمن على العرش استوى تمام فعرفنا أن يعني معنى أو دلالة الحديث هنا دلالة الحديث ليس على معنى ظاهر تمام سيكون خيرا طيب نعم pourquoi aussi parce que ensuite il dit Cheikh Al-Uthaymeen il dit que le fait de changer le sens de son sens apparent, c'est, ça sous-entend de parler sur Allah sans science. Comme certains innovateurs y font quand ils disent « Allah, il n'a pas de main ». Mais le but visé de ce verset, c'est juste la miséricorde. Là, il parle sur Allah sans science. « Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit certes mon Seigneur a interdit les turpitudes qui sont apparentes ou cachées ainsi que le péché et la transgression, l'oppression sans droit. Et aussi, il a interdit que vous associez en Allah Azza wa Jal ce que vous n'avez aucune preuve. Et enfin, il a interdit que vous disiez sur Allah ce que vous ne connaissez pas. هذه آية عظيمة. آية عظيمة. والإمام ابن القيم يستدل بهذه الآية على أن الكلام على الله بلا علم أشد من الشرك بالله عز وجل. الإمام ابن القيم يبخون de ce verset que le fait de dire sur Allah عز وجل une parole sans science, c'est pire que tomber dans le shirk. D'où il a pris ça du verset. نعم ترتيب المحرمات فبدأ بالأدنى إلى الأرفع والأعلى. Il a commencé dans le verset par évoquer le moindre péché, les moindres péchés pour aller au plus grand. إنما حرم ربي الفواحش. Allah سبحانه وتعالى interdit les turpitudes. ما ظهر منها وما بطن. يعني apparent ou caché. والإثم ainsi que les péchés. والبغي بغير الحق ainsi que l'oppression sans le moindre droit. وأن تشركوا بالله. Et ensuite il dit et que vous associez en Allah عز وجل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et que vous disiez à Allah, sur Allah, ce que vous ne savez pas. Tamam. Voyez, mas'ala. C'est une mas'ala. Même si l'imam ibn al-Qayyim, il est de cet avis, l'avis le plus juste, c'est que le shirk, wa a'zamu dhunub. A'zamu dhunb ala l'itlaq. Lakin, le fait de dire sur Allah, azza wa jal, ce qu'on ne connaît pas, c'est un péché. Firya azim. C'est une grande abomination. طيب ثم قال شيخ الاثيمين مثال ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Donc ensuite il prend en exemple le verset de sourate Al-Maïda où Allah subhanahu wa ta'ala dit mais au contraire il a deux mains étendues avec lesquelles il dépense comme il veut. Ou il donne comme il veut. فَإِنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ. C'est quoi le sens apparent du verset ? Smaïd. Le sens apparent, c'est qu'il accorde le risque. C'est qu'Allah, il accorde le risque. Tamam. ثم. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء. Le sens apparent de ce verset, c'est que... Il a deux mains. نعم. Le sens apparent du verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Na'am. Elles sont comment ces deux mains ? Elles sont largement ouvertes. Largement ouvertes, ahsan. Mabsoutatan. Na'am. Na'am. Fahada zahir al-aya. Qala, fa'inna zahir al-aya, anna lillahi yadayni haqiqiyatayni. Fayajibu ithbat dhalika lahu. فإذا قال قائل المراد بهما القوة قلنا له هذا صرف الكلام صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. Tout simplement. يعني donc avec cette قاعده avec cette règle on prend que Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien deux mains. Tamam. Et qu'elles sont bel et bien étendues. Donc si quelqu'un vient et te dit non, le sens visé de ce verset, c'est la force. C'est la force, ou c'est la miséricorde, ou c'est toute autre chose, on lui dit non. On dit ça, c'est un changement du sens. Yanni, t'as changé le sens apparent pour aller d'un autre sens. Et ceci est une parole sur Allah sans science. تمام نعم هذه قاعدة مهمة جدا نعم طيب ونكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب. À quelle heure ils font le Aïcha? 45. 45. 45. نكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب، وسوف ندخل في كتاب آخر وهو